l'amour c'est la galère. Il n'y a plus de retour en arrière. Ah moi j'ai besoin d'amour. Maintenant et pas demain. Qui m'emmène.